c'est Tibulus, le petit lutin du Père Noël. J'adore vous retrouver pour le podcast de l'Avent. L'aventure. Et oui, pour moi, c'est une aventure sonore, car chaque jour, j'ouvre une case, et derrière la case, une surprise. Et aujourd'hui, c'est une double surprise. Très grosse case, il a fallu faire rentrer deux surprises. Allez, ouverture. Bonjour. Bonjour. Alors, à ma droite, j'ai... Titou. Et... Matou. Ah, c'est deux amis lutins que j'aime beaucoup, vous le savez. Et le Père Noël est très gentil puisqu'il me laisse les inviter dans notre podcast des lutins farceurs. Je crois en plus que on a une surprise à cette case numéro 9. Et le 9, c'est le 9 décembre. Et la surprise, voire la bêtise du 9 décembre, qu'est-ce que c'était, Matou? En fin d'année, il y a des fêtes de Noël. Et nous, on vient chanter des chansons pour les enfants, pour les adultes et pour tout le monde. C'est là qu'on a fait une bêtise. On devait chanter aux fêtes de fin d'année dans la salle, mais en fait, on a fait une bonne blague. On a changé les paroles de la chanson. Et d'ailleurs, on peut vous la réciter avec mon ami Titou. Quelle chanson au départ que vous deviez chanter ? La chanson qu'on devait chanter au départ, c'était « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ». Ah, j'aime beaucoup cette chanson, elle est très entraînante. La la la, la la la. Et vous n'avez pas chanté ça du coup, si je comprends bien? Bah non, en fait, mais on a chanté ça avec le même air, mais on n'a pas les mêmes paroles, on peut vous la réciter? Vous pouvez la chanter? Bah écoutez les paroles, j'espère que c'est quand même écoutable. Allez, viens Titou. Vive le vin, vive le vin, vive le vin dans le verre qui réchauffe les petites joues de notre gros pépère. Ah oui, mais alors tous les gens ont rigolé, je me souviens. Ah oui, vous aviez changé les paroles, plus du tout de sapin vert, mais un gros verre de vin. Oh là là, je me souviens de la tête de monsieur le maire de Laponie, il n'était pas content. Et le Père Noël non plus n'était pas très content. Bon, quand même, on a un peu rigolé, alors c'est pardonné maintenant. Oui, je crois. Allez, on se quitte parce que demain, on sera le 10 et il y aura une nouvelle bêtise. Vous pouvez la rechanter pour finir le podcast. Salut les amis! Vive le vin, vive le vin, vive le vin dans le verre qui réchauffe les petites joues de notre gros pépère.